Ça y est, j'ai pris du bide. Faut que je sois lucide. Sous mes yeux se dessinent quelques rides. Je suis pas stupide. J'ai 30 ans bien révolu. Paraît que je fais plus que mon âge. Le Père Noël n'existe plus. C'est bien dommage. C'est pas que je m'ennuie, qu'elle est pas belle la vie. C'est pas que je m'ennuie. C'est pas que je m'ennuie, qu'elle est pas belle la vie. C'est pas que je m'ennuie, mais je me fais chier. Perspective d'avenir. Tu commences, tu délires. On va casser la tirelire. Je crains le pire. Regarde-moi au fond des yeux. T'as pourtant l'air heureux, assis le cul entre deux chaises. Avoue quand même que je suis balèze. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tu as voulu nous unir. Pour le meilleur et pour le pire. Tu sais pourtant me faire sourire. Entre deux soupirs. Tu as voulu nous punir. Faire fi de nos souvenirs. Pousser encore me faire souffrir. Entre deux sourires. C'est pas que je m'ennuie. Qu'elle est pas belle la vie. C'est pas que je m'ennuie. C'est pas que je m'ennuie. Qu'elle est pas belle la vie. C'est pas que je m'ennuie. Mais je me fais chier. Passe le temps, naissent les enfants. Qu'adviendra-t-il de nous quand ils seront grands? Passe le temps inéluctablement. Crois-tu qu'ils seront fiers de leurs parents? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Vieux couple à la dérive. Lune de miel un peu tardive. Crois-tu que le temps nous délivre? Autant qu'il nous enivre. Quand j'aurai les cheveux blancs, disposeras-tu d'un moment pour parler à nos enfants du bon vieux temps? C'est pas que je m'ennuie, qu'elle est pas belle la vie. C'est pas que je m'ennuie. C'est pas que je m'ennuie, qu'elle est pas belle la vie. C'est pas que je m'ennuie, mais je me fais chier. La la la.